jour, mouiller ma vie, il n'est plus pour mes yeux, au ciel où tu n'es pas. Et ces volontés suprêmes de ne les vivre entier qu'en vivant en toi. C'est tes yeux qui se noient dans les miens, c'est le son de ta voix qui m'appelle sans cesse, c'est le frisson brûlant que ton toucher me laisse, c'est l'air aussi pesant où j'attends ton retour, et l'image de toi qui luit en moi tout le jour. Voilà le jus du cœur que je porte et que j'aime, je reviendrai. Toujours t'agenouiller ma vie, je reviendrai toujours mettre un pied sur ta trace et mon cou sous ta main. Je m'enracinerai dans les rayons de toi, entre tes longs cils noirs, entrouve-moi les cieux, donne-moi ce frisson du cœur si délicieux, de ta main sur ma peau. Comme un frisson de vent sur le fil de l'eau.